La fresque en mosaïque Grande Patrie, représentant le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il, est construite à l'usine de transformation de la viande de Pyongyang. Cette fresque en mosaïque représente les grands leaders affectueux qui bénissent l'avenir radieux de la Corée du Tse au mont Baekdu, mont sacré de la révolution. Le service du dévoilement a eu lieu le 12 courant.